On va parler de hockey de la Ligue du Lac au Fleuve. Hier, il y a eu présentation, il y a eu, un, il y a eu une présentation hier pour ou un communiqué de presse qui a été émis par les par l'équipe du CHS Autocar Janois. C'est la nouvelle équipe de Saint-Bruno qui va faire son entrée dans la Ligue du Lac au Fleuve à partir du mois de septembre prochain. En ligne, on va parler avec le directeur et joueur également, Samuel Blackburn. Salut Samuel. Salut. Samuel, le CHS Autocar Janois, évidemment, c'était d'emblée le nom, parce que évidemment, c'est votre commanditaire principal. Oui, c'est Autocar Janois agit comme partenaire principal dans notre aventure, comme je pourrais dire. OK. Dis-moi, parce qu'il y a deux autres commanditaires également majeurs, on parle de... Ben, on parle d'autres majeurs, on parle de Dimension Transport, une compagnie de Saint-Bruno, puis aussi on a Pro Nature Black Benefice, là, qui ont des succursales dans le fond dans toute la région. OK. De Jonquière à aller jusqu'à Saint-Félicien. Dis-moi, est-ce que c'était difficile de trouver ces commanditaires-là? Bon, ben c'est sûr que nous autres, on se le cachera pas que c'est un projet que quand la Ligue Senior de la Côte-Fleuve a démarré, ben nous autres, on avait déjà comme projet, moi puis Charles, de se faire une équipe dans notre secteur qui est la MRC Lac Saint-Jean-Est, dans le fond, Alba et les environs. Fait que c'est sûr que, tu sais, on avait déjà tenté le pouls, avant de s'aligner, ben tu sais, on était sûr de nos affaires, puis tu sais, ben là, maintenant on s'est lancé, on a jasé avec Robin puis avec Phil, puis là, bon, ben, on a dit go, on y va, puis parce qu'il y a certaines personnes qui se sont jointes à nous autres. Là, OK. Dis-moi, et l'engouement jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'on est en plein été, on pense pas vraiment au hockey, mais ça dit quoi jusqu'à maintenant, Saint-Bruno, l'engouement? À date, c'est sûr et certain que, comme on dirait, c'est plus que surprenant. C'est juste avec l'annonce d'hier, ben, tu sais, ça se parlait déjà pas mal qu'il y avait une nouvelle équipe à Saint-Bruno, mais personne ne savait les parties impliquées. Puis juste depuis hier, là, ben, je dirais que le téléphone ne dérougit pas bien. OK. Dis-moi, est-ce que c'est pour le recrutement des joueurs? C'est souvent la clé, hein? Les équipes seniors dans la Ligue du Lacofeuille, ils ont 50 joueurs, à peu près 40-50 joueurs. Est-ce que tu vas avoir de la misère ou vraiment tu vas... Ben, nous autres, si, mettons, on compare, mettons, un bassin de population par MRC, exemple, Domaine du Roi puis Mario Chapdelaine, ben, au niveau de... c'est à peu près 55 000 personnes. Puis dans notre MRC Lac-Saint-Jean-Est, c'est à peu près 55 000 personnes. OK. Nous autres, c'est sûr qu'avant le projet, on a... On a lancé des perches un peu partout à certains joueurs, savoir s'ils étaient intéressés à venir jouer avec nous. Fait que, automatiquement, nous autres, on pense qu'on va être capable facilement de remplir une liste de 50 joueurs. T'sais. OK. Je voyais également qu'il n'y a pas d'instructeur encore. Est-ce que ça vous inquiète? Non plus, parce que oui, on a eu des candidats, mais on ne veut pas prendre de décision non plus trop précipitée. Du senior, on ne se le cachera pas, c'est pas. On gère des adultes. Tu ne veux pas avant de c'est le candidat qui est le mieux, ben ça, premièrement, il faut toutes les passer en entrevue puis prendre une décision reposée. Là, parce que on se cachera pas que l'entraîneur de la place c'est quand même assez important. C'est que nous autres, on s'était donné comme objectif que d'ici au 1er septembre, d'avoir notre entraîneur. Là, OK. C'est quand même assez drôle, pareil, de voir que le directeur et joueur va passer en entrevue son futur entraîneur. C'est quand même, ouais, c'est drôle, pareil. Comme on dit, quel qu'on connaît nos rôles dans notre organisation, c'est comme. C'est beau, dans mon cas, je suis un défenseur, mais je ne serai jamais le premier défenseur dans cette équipe-là, mais je vais tout le temps avoir mon rôle de 5-6e à tous les matchs. Il y en a autant besoin qu'un premier, deuxième. Charles, ben, on est. Mais ça se voit dans d'autres ligues, dans le senior 3. Il y a des équipes qui dirigent, il y a des joueurs qui dirigent l'équipe, puis ça se fait, puis au contraire, justement, peut-être que ça va peut-être justement amener des joueurs, justement, qui le fait qu'on soit sur le bureau de direction de la ligue aussi. OK. Dis-moi, est-ce que Dolbeau-Missassini avait des joueurs je pense entre autres à Jonathan Fleury qui jouait pour Dolbeau-Missassini, qui était le meilleur joueur du multicontinental l'an dernier. Quand vous avez décidé de, parce que Dolbeau avait quand même un gros bassin de joueurs, est-ce que ça a branlé des rencontres? Ben, c'est sûr que, ouais. Comme nous, au départ, dans les discussions, ben, nous autres, tous les joueurs actifs de la Ligue senior du Lac-au-Fleuve, ce qu'on aurait aimé avoir, c'est que tous les joueurs qui étaient actifs nous appartiennent automatiquement dans notre MRC. Parce qu'en fait, là, c'était dur de commencer une équipe sans avoir nos joueurs qui sont déjà actifs dans la Ligue, justement, puis qui jouent pas dans notre équipe. Donc, c'est sûr que, tu sais, il y a certains, tu sais, il y a eu des pourparlers au départ, il a fallu s'asseoir et puis négocier. Mm. Mais, tu sais, ça, on n'a pas été capable vu que les joueurs avaient été protégés les années antérieures. Okay. Fait que ce qu'on a fait, nous, on a fait une coupelle d'échange pour être capable d'aller en chercher, du coup. OK. C'est comme on parle d'un gars comme Jean-Sébastien Boudreau qui était à Dolbeau l'an passé, ben, tu sais, avant de faire l'annonce d'équipe, nous autres, ben justement, tu sais, les échanges étaient déjà faits en considération que Jean-Sébastien nous appartient. Ouais, ouais. OK. Et tu confies d'avoir une équipe quand même assez intéressante sur la glace l'automne prochain? Au niveau compétition, c'est sûr que si tout le monde met les poules dans la roue, ben, nous autres, on n'est pas inquiets d'avoir une équipe très compétitive dans ce circuit-là. OK, OK. Ben, Samuel, un gros merci. Au plaisir de se reparler bientôt. Puis on va sûrement avoir l'occasion de se reparler au camp d'entraînement ou durant la saison. Parfait. Samuel Blackburn de l'équipe de CHS Autocar Genoa.